الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن أعظم أبواب العلم والدين معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى قال ربنا في الكتاب الكريم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فكلما قويت معرفة العبد بربه بأسمائه وصفاته قوي إيمانه وازداد ثباته أقبل على الخير وابتعد عن الشر ألا واعلموا يا عباد الله أن من أعظم أسماء الله الحسنى التي نحن بحاجة إلى التفقه فيها اسم الله الرزاق اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق هذا الاسم العظيم الرزاق من أعظم البينات على استحقاق الله العبادة وحده لا شريك له قال سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه وتعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين وقال جل وعلا والله خير الرازقين فالعباد كل العباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في رزقهم وهكذا ورد هذا الاسم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أحمد في مسند وغيره من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر عباد الله الرزاق هو الذي يتكفل بأرزاق العباد الذي يلي أرزاقهم وقوتهم سبحانه وتعالى قال الله تعالى في كتاب الكريم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأما تقسيم الأرزاق بين عباده فهذا بأمر الله وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يجعل هذا فقيرا وهذا غنيا كل ذلك بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى فبيدي أزمة الأمور وجميع العباد مفتقرة إليه جل وعلا قال سبحانه والله يرزق من يشاء بغير حساب وقال سبحانه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله يتصرف بملكه كيف يشاء فهو المعطي المانح وليس لأحد أن يعترض على ما قدر الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد هذا والمتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى يجد أن الله بين في كتاب الكريم أنه وحده الذي يتولى أرزاق عباده وقد جاء هذا التذكير في مقامين المقام الأول مقام التفضل والإكرام والامتنان ومنه قوله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وأما المقام الثاني فهو تذكير العباد بأن الله وحده لا شريك له هو الرزاق فيأمرهم بطاعته وبإفراده في العبادة قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا تساو بين الله الرب الكامل الرزاق وبين الآلهة الباطلة بصرف نوع لهم من أنواع العبادة فالله وحده لا شريك له الرزاق إذن فهو المستحق للعبادة ومن علم هذا الاسم وفهم معناه أيقن ببطلان الشرك بالله العظيم لذا قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ثم بعد ذلك يا عباد الله اعلموا أن رزق الله لعباده ينقسم إلى قسمين الرزق العام والرزق الخاص الأول رزق العام رزق الأبدان والأمور الدنيوية هذا يشمل المؤمن والكافر البر والفاجر قال سبحانه ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال سبحانه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا هذا رزق الله العام بالطعام والشراب بالأولاد والمسكن بالسيارات والأموال لا يستلزم الرضا لا يستلزم محبة الله سبحانه وتعالى للعبد فإن الله يعطي من الدنيا من يحب ومن لا يحب قال سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه لذا قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان ثم قال ربنا كلا أي ليس الأمر كذلك توسعة الرزق لا يدل على إكرام الله لعبده وتضييق الرزق، لا يدل على إهانة الله لعبده، بل من أكرمه الله بالدين فهو المكرم المعزز، ومن أعرض عن ذكر الله وعن دينه فهو الذليل الخاسر في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. أما القسم الثاني الذي ذكرنا الله سبحانه وتعالى بأنه هو الرزاق وحده لا شريك له، أو أما الرزق الخاص هو رزق القلوب، بمن أراد الله به خيرا هو رزق القلوب بتغذيتها بالعلم النافع بالإيمان الصحيح بالرزق الحلال المعين على طاعة الله، ويتم الله لهم هذه الكرامة بإدخالهم الجنة يوم القيامة. قال سبحانه: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فالجنة من رزق الله، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. وإياك يا عبد الله والاشتغال بالرزق الدنيوي عن رزق الآخرة الباقي، حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك، فقال: ما عند الله ينفد وما عند ما عفوا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالعاقل لا يشتغل برزق الدنيا ويضيع الآخرة. رزقنا الله وإياكم الإيمان والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، la science la plus noble que nous trouvons dans les livres, que nous trouvons dans le meilleur livre du Coran, la science la plus noble qui fait augmenter la foi, qui nous pousse vers le bien, nous repousse du mal, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Allah nous dit dans son livre, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Il nous dit également: Allah, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors de lui, à lui appartient les plus beaux noms. Donc plus la personne sera cultivée et aura de la science et aura compris les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, plus il sera pieux et plus il sera ferme dans sa religion et plus il recevra le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses épreuves. Et parmi les plus grands noms d'Allah Azza wa Jal, parmi les noms dont nous avons besoin, et cela est valable pour l'ensemble des noms d'Allah, mais plus particulièrement pour celui-ci, de comprendre le nom d'Allah Ar-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance à ses créatures. Celui qui comprend ce nom et l'étudie aura beaucoup de bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et cela aura un effet dans sa vie quotidienne, sa vie religieuse et sa vie terrestre. Et de cela on voit que l'ensemble des créatures, ceux qui habitent les cieux comme ceux qui habitent la terre et les mers, sont dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui l'unique Ar-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance à ses serviteurs. Il nous dit dans son livre: certes Allah est le pourvoyeur à la force inébranlable. Il nous dit également, en citant la vocation de serviteur pieux, et donne-nous notre subsistance, tu es le meilleur pourvoyeur. Dans un autre verset, Allah est le meilleur pourvoyeur, celui qui donne la subsistance à ses serviteurs. Ce nom est également venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne le sens de ce nom, Ar-Razzaq, et par même Allah également Ar-Raziq, c'est-à-dire celui qui s'occupe de donner à chacun sa subsistance afin qu'il puisse vivre. Personne en dehors d'Allah Azza wa Jal peut te donner ta subsistance. Personne en dehors d'Allah Azza wa Jal peut te donner la nourriture nécessaire, la boisson nécessaire. Personne en dehors des enfants, personne en dehors d'Allah ne peut te donner des enfants. Personne en dehors d'Allah ne peut te donner une épouse pieuse. Personne en dehors d'Allah Azza wa Jal ne peut te donner un abri ou te préserver du froid et de la chaleur et cacher ta dignité ainsi que celle de ta famille. Tout cela fait partie des propriétés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, il n'y a pas une chose qui rentre sur la terre sans que sa subsistance revienne à Allah. Tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qu'il y a dans les mers et dans les cieux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne leur subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que personne n'est capable de ramener lui-même sa subsistance. C'est Allah qui s'en charge et il se charge également de notre subsistance. En ce qui concerne la répartition de cela, Allah Azza wa Jal donne à qui il veut la richesse et appauvrit qui il veut, il élève qui il veut et rabaisse qui il veut, car c'est le Seigneur des mondes, le maître absolu, il fait ce qu'il veut et personne n'a le droit de se mettre devant son décret ou dire pourquoi ceci ou pourquoi cela. L'ordre tout entier revient à lui. Subhanahu wa ta'ala wa huwa al-malik al-haq al-mubin. Il nous dit dans son livre, Allah donne à qui il veut avec largesse. Et dans un autre verset, il nous dit qu'il étend ses bienfaits ou les restreint à qui il veut. Allah donne à certains et retient devant certains. Pourquoi? Nous n'avons pas à poser cette question. Mais nous savons qu'Allah est sage et savant. Et il fait ce qui est bon pour ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne et celui qui retient. Tabaraka wa ta'ala. Ceci étant dit, celui qui médite ce nom Ar-Razzaq et les contextes dans lesquels il fut cité dans le Coran, il verra qu'Allah Azza wa Jal nous rappelle que c'est le seul pourvoyeur, le seul à accorder à ses serviteurs leur subsistance dans deux contextes du Coran. Le premier, c'est pour nous montrer ses bienfaits sur nous, pour que on se rappelle sa générosité et sa bonté envers nous. Il nous dit par exemple, Allah vous a donné de vous des épouses, et de vos épouses des enfants et des petits-enfants, et vous a donné comme subsistance de bonnes choses. Le deuxième contexte où on nous cite qu'Allah Azza wa Jal est le seul pourvoyeur, c'est pour nous rappeler et nous orienter à unifier Allah de par le culte, à adorer Allah dans un culte sincère, seul sans associé, à nous soumettre à l'ensemble de ses ordres et nous éloigner de l'ensemble de ses interdits. Il nous dit par exemple, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a donné, celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui étaient avant vous. Peut-être atteindrez-vous la piété. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel un toit et vous a fait descendre des nuages beaucoup de biens, beaucoup de cultures, beaucoup de fruits et vous a donné votre subsistance. Après tout cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ne donnez donc pas d'associé à Allah alors que vous savez. Ne n'accordez pas un égal à Allah alors que vous savez. Comment est-ce qu'on pourrait rendre la création faible qui a été adorée d'Allah Azza wa Jal l'égal d'Allah tabaraka wa ta'ala alors que lui, c'est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul à nous donner notre subsistance, tout ce que nous possédons. Subhanahu wa ta'ala akramul akramin al-jawad al-rahim. Donc, celui qui comprend l'explication du nom Ar-Razzaq n'aura plus aucun doute, atteindra la certitude quant au caractère caduque et injuste du fait de donner une adoration à notre Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit également, Allah, c'est lui qui vous a créé, puis vous a donné votre subsistance, puis vous fera mourir, puis vous ressuscitera. Est-ce que parmi vos associés, il y a quelqu'un qui est capable de faire cela? Est-ce que parmi les associés qui ont adoré les autres que les musulmans, est-ce que parmi leurs associés, parmi leurs possibilités, est capable de donner la vie, de donner la mort, de donner la subsistance? Certainement pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala conclut ce verset en disant: pureté à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui attribue comme associé. Celui qui se rappelle du nom Ar-Razzaq placera toute sa confiance en Allah dans la recherche de sa subsistance. Il ne dirigera pas son cœur vers les serviteurs, vers les créatures, mais il dirigera son cœur que vers Allah Azza wa Jal, car il sait que parmi les noms d'Allah, il y a Ar-Razzaq. Celui qui se rappelle qu'Allah c'est Ar-Razzaq, délaissera le haram, délaissera l'argent haram, délaissera la marchandise illicite, délaissera le travail où il y a du haram. Combien sont ceux qui travaillent et il y a de l'alcool? Combien sont ceux qui travaillent et il y a du porc? Combien sont ceux qui font encore pire et vendent de la drogue? Et il te dit: je sais que c'est haram, mais je n'ai pas de choix. Ya subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala huwa ar-Razzaq. C'est celui qui donne sa subsistance à la fourmi. C'est celui qui donne sa subsistance à l'oiseau faible. C'est celui qui donne même sa subsistance au kafir, qui insulte Allah, qui manque de respect à Allah et à ses serviteurs. Et pourquoi il leur donne leur subsistance deux jours comme deux nuits? Et toi, tu es un serviteur d'Allah, tu poses ton front chaque jour par terre. Tu adores Allah, tabaraka wa ta'ala. Et tu penses qu'il ne va pas te donner ta subsistance. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Quelle mauvaise opinion avez-vous du Seigneur des mondes? Allah tabaraka wa ta'ala, si tu abandonnes ton affaire entre ses mains, il te donnera ta subsistance. Il te donnera ta subsistance, alors repends-toi et délaisse tout commerce illicite. Abandonne ton affaire chez Allah tabaraka wa ta'ala. Demande-lui de te donner la subsistance halal afin de délaisser le haram. Celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala comme étant Ar-Razzaq sera reconnaissant et va dépenser de son argent pour Allah. Fi sabilillah. Celui qui reconnaît Allah comme étant Ar-Razzaq, il sera pieux. Il aura peur de toucher le haram. Il aura peur de toucher le haram car il sait qu'Allah Azza wa Jal, c'est le pourvoyeur, celui qui peut lui donner sa subsistance halal. Allah le dit dans son livre: ô vous qui avez cru, mangez de bonnes choses parmi ce qu'Allah vous a donné comme subsistance, et montrez-vous reconnaissant si c'est lui que vous adorez. Celui qui se souvient qu'Allah c'est Ar-Razzaq sera reconnaissant. Celui qui se souvient qu'Allah c'est Ar-Razzaq dépensera de son argent fi sabilillah, car il n'aura pas peur du lendemain. Il n'aura pas peur du lendemain, il sait que c'est Allah qui lui donne à manger et qui lui donne à boire. Allah lui dit dans son livre: ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons donné comme subsistance. Mais certaines personnes faibles de foi n'arrivent pas à délaisser le haram, car ils n'ont pas la pleine connaissance de ce nom, Ar-Razzaq. Donc après avoir entendu cela, on espère pour chacun d'entre nous le délaissement des choses ambiguës, le délaissement du haram et le fait de s'humilier devant Allah Azza wa Jalla en levant nos mains vers lui pour lui demander notre subsistance halal, la subsistance du cœur et la subsistance du corps. Certaines personnes sont tellement faibles dans leur religion ou sont tellement loin dans le polythéisme qu'ils assassinent leurs enfants de peur que ces derniers mangent avec eux. Comme c'était le cas dans le Jahiliya, lorsqu'ils avaient une fille d'enterrée vivante. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُعِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. أَمَّا الْمُسْلِمْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ. Il recherche les enfants afin que la terre soit peuplée de monothéistes. Et il sait que c'est Allah qui donne la subsistance à ses enfants. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ أَوْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. C'est nous qui leur donnerons leur subsistance ainsi qu'à vous-même. Et parmi les plus grandes causes pour avoir sa subsistance, taqwa Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui facilitera une issue et lui donnera sa subsistance où il ne s'attendait pas. Parmi les plus grandes causes pour avoir sa subsistance et avoir des richesses, le fait de délaisser les péchés, le fait de se repentir et de demander pardon à Allah Azza wa Jal pour nos manquements. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. الآيات. Un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri et il lui a dit: je suis pauvre, que dois-je faire pour avoir de la richesse? Il lui a dit: استغفر الله. Demande pardon à Allah pour tes péchés. Un homme est venu, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il lui a dit, que dois-je faire pour avoir des enfants? Al-Hassan al-Basri lui a dit, Astaghfirullah. Un troisième homme est venu et a dit, Al-Hassan al-Basri, nous n'avons pas la pluie dans notre village. Que devons-nous faire pour avoir la pluie? Il lui a dit, Astaghfirullah. Demande pardon à Allah pour tes péchés. L'homme qui est avec Al-Hassan al-Basri s'est étonné. Et il lui a dit, trois personnes sont venues avec trois questions différentes et tu leur as donné la même réponse. Al-Hassan al-Basri, Al-Alim al-Rabban, a répondu, je n'ai pas dépassé ce qui se trouve dans le Coran. Puis il a récité le verset dans Sourate Nour, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous ordonne de demander pardon pour nos péchés. Si on fait cela, il va nous donner la pluie. Il va nous enrichir, nous donnera des enfants. Donc une des plus grandes causes pour avoir des enfants, des richesses, est la pluie. Le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jalla pour ses péchés, cela ouvre la porte du repentir. Le fait d'avoir la foi, le fait d'être pieux. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions auront un pardon et une noble subsistance. Parmi les causes de la richesse, la piété filiale, le fait d'être bien avec ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui veut qu'Allah Azzawajal allonge sa vie et augmente ses richesses, qu'il lie les liens de parenté. Qu'il lie les liens de parenté. Et sache, cher frère, que tu ne vas pas mourir si ce n'est après avoir complété la subsistance qu'Allah Azzawajal t'a accordée. Et ce qui nous accorde le plus souvent, ce qui fait que nous sommes le plus souvent éprouvés par la pauvreté et les malheurs, c'est nos péchés. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah nous apprend dans le Coran que la cause du malheur, c'est la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Et pour conclure, sachez que la subsistance qu'Allah accorde à ses serviteurs est de deux sortes. La subsistance du corps, la subsistance de ce bas monde, c'est-à-dire à manger, à boire, les enfants, les voitures, les maisons et ainsi de suite. Et cela n'est pas signe de l'amour d'Allah, ni de son agrément pour ses serviteurs. Car Allah donne cela à ceux qu'il aime et ceux qu'il déteste. Puis il y a la deuxième sorte de subsistance, c'est la subsistance des cœurs. C'est la foi ferme en Allah Azza wa Jalla. C'est la guidée, c'est l'islam, c'est la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est la meilleure subsistance qu'Allah donne à ses serviteurs. Et certaines personnes ont été distraites de cette subsistance, car ils courent après ce bâton. Ils courent après ce bâton qui va se finir demain. Ils courent après ce bâton aux dépens de leur religion. Ils travaillent dans le haram. Ils délaissent les prières à l'heure. Ils outrepassent les limites d'Allah, tout cela pour s'enrichir. Tout cela pour leur subsistance. Ils oublient la subsistance qui est durable. Le paradis vaste comme les cieux et la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs. Donc prenez garde, serviteurs d'Allah, à vous détourner de l'étude des noms des attributs d'Allah. Il y a dans cela tout notre bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Hada wa qad balagana من مخلوقات شريرة من الكفرة والشياطين أنهم آذوا عباد الله وأولياءه. Il nous est parvenu ces jours-ci qu'un groupe de personnes dépourvues de droits de suite, dépourvues de piété d'islam, mais plus encore dépourvues du caractère de l'humanité, ont agressé une femme musulmane, une de nos sœurs fillah, Azza wa Jal, sans qu'elle n'ait commis de péché. Injustement, ils l'ont agressé, ils l'ont opprimé. Fanas Allah, El Kawi Al Aziz, El Kabir Al Muta'ad. أن ينتقم منهم وأن يذلهم في الدنيا والآخرة اللهم عذبهم عذابا أليما إنك أنت القوي العزيز الكبير المتعال اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رب عليك به دمرهم تدميرا عذبهم عذابا أليما كما عذبت فرعون وهامان وقارون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة. Yeah, absolutely.